الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يجد القرآن الكريم ذو سورة لقمان، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc je pense qu'on avait traité, si mes souvenirs sont bons, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه الآية. On avait débuté ou on avait commencé à expliquer ce verset coranique. Walakin, je veux faire ici une petite rectification, une petite correction sur ce que j'avais dit concernant al-ikhlas et concernant al-riya, l'ostentation, lors du cours dernier, quand Ahadou min al-ikhwa m'avait interrogé sur le fait que une personne prie alors qu'il a commencé la prière, bien sûr, avec sincérité, et que fi athna is-salah, pendant la prière, au milieu de la prière, ici lui est venu ce qu'on appelle al-riya, l'ostentation. Est-ce que sa prière est annulée ou est-ce que sa prière est quand même bonne et c'est la récompense qui est annulée, mais la prière reste quand même bonne? Ici, je m'étais trompé et après vérification, ici c'est la prière qui est annulée et la personne doit recommencer obligatoirement sa prière. Dans le cas où bien sûr la personne a commencé avec sincérité, bada as-salah wa huwa kana mukhlis lillahi azza wa jalla, salla lillahi azza wa jalla. Ici, au moment du début de la prière, pendant la prière, il était sincère. Mais par exemple, vers la fin de la prière, ici, il a embelli sa prière, مثلاً. Il a embelli sa prière parce qu'il a vu que des gens parlaient de lui, ou des gens l'ont regardé. Il a embelli sa prière. Et après cet embellissement de sa prière, par exemple, donc ici, un signe de l'ostentation de riya, il ne s'est pas arrêté ici. Walakin, ici, il s'est laissé aller par l'ostentation. Quand je dis il ne s'est pas arrêté ici, il ne fait pas partie des gens qui ont combattu riya, c'est-à-dire qui ont fait des efforts pour s'éloigner de riya, de l'ostentation. Si c'est ce cas, c'est-à-dire la personne, quand lui est venu l'ostentation, il prend ou il utilise les causes pour combattre riya, et il n'est pas d'accord, et il repousse riya, il n'y a aucun mal ici, et ici, bi'idnillahi azza wa jal, ici sa prière est acceptée. Walakin, si c'est une personne qui n'a pas fait les causes pour ici repousser riya, l'ostentation, quand lui est venu l'ostentation, c'est-à-dire quelque part il a aimé cet acte-là répréhensible qui est al-shirkul khafi, كما سماه عليه الصلاة والسلام. Ici c'est la petite association, c'est ici l'association ici cachée. Donc ici il a aimé, il a apprécié, il a agréé cette ostentation, il n'a pas combattu cette ostentation. À ce moment-là, قول الراجح من أهل العلم, sa prière elle est annulée. Sa prière elle est annulée et donc il doit obligatoirement refaire sa prière. D'accord, il doit obligatoirement refaire sa prière, bien sûr, ici, surtout si c'est une prière obligatoire. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Clair? On avait... Naam. Pour tout autre acte, d'accord, pour tout autre acte, ici, après vérification, et j'ai appelé un savant par rapport à cette question pour avoir des explications dans les détails, et c'est ce que je viens de dire. Donc sa prière elle est annulée, son acte il est annulé d'après ici le hukm, le jugement général de la question, c'est-à-dire que toute personne qui fait une action pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il ne rentre pas dans la grande hypocrisie, d'accord, il reste musulman, mais l'action est rejetée s'il fait partie des gens qui n'ont pas combattu cette ostentation, d'accord. Et je répète, s'il a combattu cette ostentation, c'est-à-dire il n'a pas agréé cette action-là, ce comportement-là, et il dit, il fait les causes pour s'éloigner, par exemple, à titre d'exemple, dans la prière, il dit, a'udhu billahi minash shaitani rajim, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit de le faire à Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quand vient ce shaitan qui s'appelle Khanzab, ou bien Khinzab, ou bien ici, plusieurs appellations qui sont authentiques, parmi ces appellations Khanzab, ou bien Khinzab. Donc ici il lui a dit de faire a'udhu billah, ou de dire a'udhu billahi minash shaitani rajim, et de souffler à trois reprises sur le côté gauche, de combattre, de se rappeler de la puissance et de la grandeur d'Allah, de se rappeler qu'on doit prier que pour Allah. Yani il fait les causes pour combattre cette ostentation, sa prière est bonne. Walakin wa illa, sinon sa prière elle est annulée, ou bien sa zakat est annulée, etc. Clair? Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé des parents, de la recommandation d'être bienfaisant envers les parents. Et là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exhorte ou qui exhorte directement ici les croyants et les croyantes. clair? Donc au début on a les recommandations de Luqman envers son fils. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala intervient directement et il dit wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu. Ah, pourquoi? Parmi les raisons, ici on va voir qu'il y a le chiffre 3 qui revient dans ce verset coranique et qui est cité dans le hadith authentique du prophète alayhi afdalu salati wa azka at-taslim. D'accord? Ou plutôt les trois reprises reviennent dans ce verset coranique et dans le hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Quand un homme est venu interroger le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ya Rasulallah, quelle est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, ummuk. Il a dit, thumma man. Il a dit, ummuk une deuxième fois. Quand il a dit, et ensuite qui? Et à la troisième reprise, le prophète lui a répété encore, ummuk, le hadith très connu, ta mère. Donc il lui a dit, qui a mérite le plus ma compagnie? Il lui a dit, ta mère. Ensuite ta mère. Ensuite ta mère. Thumma abuk. Ensuite ton père. Donc on voit les trois reprises ici dans le hadith. Ces trois reprises-là, on les retrouve dans ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne la bienfaisance envers le père et la mère. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Ah, le père et la mère. Mais ensuite, il parle de la mère plus précisément. D'accord? Et il va citer ici, on voit dans ce verset coranique, trois raisons pour laquelle ou pour lesquelles on doit respecter notre mère. D'accord? Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec une traduction approximative, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Clair? Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. On a la première des raisons principales pour lesquelles ou pour laquelle on doit être bienfaisant envers la mère. C'est notre mère. La maternité. Retenez bien ça, la maternité. Allah a dit, wa wassayna al-insana bi walidayhi. D'accord? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du père et de la mère. Donc, on a ici une raison qui fait partie des raisons les plus importantes pour lesquelles on doit respecter notre mère. C'est notre mère, la maternité. Deuxième raison principale, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, حملته أمه وهنا على وهن. D'accord? Allah, il parle de quoi? Du fait que la mère l'a porté. C'est pas le père, la mère. Ah, on voit ici une caractéristique qui est spécifique à la mère. Pourtant, la première caractéristique, est-ce qu'elle est spécifique que à la mère? Non, à la mère et le père. Mais est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a cité le père dans le hadith rapporté par Muslim? Le prophète alayhi salam, il a dit ta mère, et ensuite ton père. Donc ta mère, parce que c'est ta mère, et Allah a ordonné la bienfaisance envers les parents. Ton père, parce que c'est ton père, et Allah il a dit wa bil walidayni ihsana. Allah azza wa jalla dit ici wa wassayna al insana bi walidayhi dans un verset coranique wa bil walidayni ihsana, la bienfaisance envers les parents, le père et la mère. D'accord? On va dire il y a un. Walakin, il y a des autres spécificités ici, ou alors des autres caractéristiques qui sont spécifiques à al-umm. Voilà parmi les raisons ici pour lesquelles le prophète a dit trois fois la mère l'a porté. D'accord? Peine sur peine. Pendant une durée de, en général, c'est 9 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà qu'en général, nous disons 9 mois. Et pendant ces 9 mois, on a rappelé qu'elle a subi des choses que l'homme n'a pas subies. D'accord? À travers le fait qu'elle a porté ce bébé dans ce ventre. Donc ici, c'est une preuve de reconnaissance. Wa kama qala alayhi salatu wa salam, un hadith qu'on répétera jamais assez. Ici, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois, ou un peu plus ou un peu moins. Donc ici, tu dois être reconnaissant envers elle 2 fois plus envers elle que ton père. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une chose et elle a subi une chose que ton père n'a pas subie. Troisième des choses, il y a ce qu'on appelle al-radha, à l'allaitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'allaitement. Ici, quand il dit dans le Coran al-Karim ici, peine sur peine, concernant le fait qu'elle l'a porté, son sevrage a lieu ici à 2 ans. Donc ici, on voit que le sevrage dure pendant 2 ans. Et certains salafs, ils déconseillaient fortement que la mère allaite au-dessus de 2 ans. Car Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé 2 ans dans le Coran al-Karim. Donc on s'arrête à 2 ans. Ceci est le meilleur. D'accord? Et c'est pour ça que les salafs, le moins qu'on puisse dire, est recommandé, ou alors ils recommandaient fortement de ne pas allaiter au-dessus de 2 ans. Donc on voit que la mère, elle a le droit parce que c'est ta mère, la maternité. Elle a un deuxième droit parce que elle t'a porté. Elle a un troisième droit parce qu'elle t'a allaité. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à cet homme qui lui a dit « Qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie ?» Il dit « Ta mère, ta mère, ta mère. » Donc ça devient plus clair. Et là, on voit Al-Qur'an et la Sunna qui confirment que la mère a plus de respect, d'accord, ou mérite plus de respect, plus d'affection, plus ici qu'on lui prête attention et qu'on lui tienne compagnie que le père. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, avant ça, il parle de qui? Du père et de la mère. Wabil walidain, d'accord? Wabil walidain ihsana, ou ici wawassayna l'insana bi waliday. Il commence par le père. Waqada rabbuka alla ta'budu illa wabil walidain ihsana. Il parle le père et la mère, le père et la mère. Mais là, il parle du père et de la mère, très important, mais plus la mère. Ça ne veut pas dire que on pense à la mère, on délaisse le père. Non, parce qu'Allah, il a commencé par le père et la mère. D'accord? Ensuite, il a montré l'importance de la mère et que la mère a subi des choses que le père n'a pas subies. Et le prophète a confirmé et a rappelé que la mère mérite plus. D'accord? C'est la personne qui mérite le plus notre compagnie. D'accord? À trois reprises, car il y a ici deux autres choses qui sont spécifiques à la mère et que le père ici n'a pas vécu. Concernant le fait que notre mère, c'est notre mère. Donc, ici, c'est une chose connue. Elle fait partie de nos parents. Donc, on lui doit énormément de respect. On a parlé assez longuement sur le respect du père et de la mère. Et on a rapporté certaines paroles de Salaf. Deuxième des choses, on a parlé de la grossesse. Elle l'a portée. On a parlé de la grossesse. On a rappelé que la mère ne dormait pas comme elle voulait. Elle ne mangeait pas comme elle voulait. Elle avait toutes sortes de maladies, particulièrement des vomissements. C'est très difficile. Elle a du mal à marcher. On a parlé de ce deuxième critère. Et il y a l'allaitement. L'allaitement ici, je voulais m'arrêter quelques instants ici. Concernant l'allaitement qui est délaissé par beaucoup de femmes, malheureusement. Lil asaf. Même des femmes qui sont investies dans la religion. D'accord? Nous, je rappelle, comme je citais hier, que quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, quand Allah azza wa jalla ordonne une chose, quand Allah recommande une chose, quand le prophète déconseille une chose, quand le prophète recommande une chose, quand Allah azza wa jalla déconseille une chose, nous, on se doit de dire, sami'na wa ata'na. Et on se doit de reconnaître que derrière toutes ces choses qui ont été interdites ou ordonnées, déconseillées ou recommandées, il y a une sagesse et c'est un bien pour nous. On est d'accord. Et ensuite, il peut avoir des bienfaits expliqué par les gens de science, je parle des gens de science pas musulmans, mais même par des gens de science qui sont des non-musulmans. Il peut avoir des bienfaits. Voilà que nous, on se base pas que par rapport à ça. Avant tout, nous disons, pourquoi je le fais? Car Allah m'a ordonné. Pourquoi je le délaisse? Car Allah Azza wa Jalla me l'a interdit. Ensuite, on dit, en plus, ça a été prouvé qu'il y a des bienfaits. Mais on ne fonde pas notre soumission, notre obéissance sur ces choses qui ont été expliquées par les savants des sciences profanes. D'accord? Car si un autre savant, concernant les sciences profane, contredit ce qu'a dit le premier savant, ici notre soumission, elle va tomber à l'eau quelque part. D'accord? Donc nous, on base notre soumission sur qala Allah wa qala ar-rasul alayhi salatu wa salam, sami'na wa ata'na, tout simplement. Mais j'ai bien dit en deuxième, d'accord, étape, on peut dire il y a des bienfaits, d'accord, qui ont été apportés par les gens de science, par exemple les médecins, etc., les ingénieurs, etc., les physiciens, etc. D'accord? Comme pour ici l'allaitement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'allaitement pendant 2 ans, c'est qu'on sait, d'accord, obligatoirement qu'il y a une sagesse derrière l'allaitement et que c'est un bienfait énorme pour l'enfant, d'accord, que la mère allaite. C'est un bienfait énorme. Stop. On dit pourquoi la mère allaite et vous, les musulmans, vous dites d'allaiter votre enfant 2 ans, yani, et vous voulez vous accrocher fermement à cet allaitement pendant 2 ans, nous disons parce que notre Seigneur nous l'a enjoint dans le Coran al-Karim. On est d'accord. Ensuite, voilà la bonne compréhension. Ensuite, vous le savez, par exemple si tu t'adresses à un non-musulman, que les médecins, qu'ils soient musulmans ou non-musulmans, ont rapporté beaucoup de bienfaits sur l'allaitement. Ici, et je parle particulièrement de l'allaitement, où ici ça a été clair et il y a unanimité des savants non-musulmans. Unanimité des médecins non-musulmans sur le fait que l'allaitement, le lait maternel, est meilleur que le lait, ici, artificiel. D'accord? Il y a unanimité, c'est clair. Il n'y a même plus d'études ou d'autres études à faire pour confirmer cela. Ils sont clairs sur ça. N'importe quel pédiatre te le dira, n'importe quel médecin te le dira. Donc là, on peut se lancer en deuxième étape, je dis toujours, après avoir dit, c'est parce que c'est Allah qui nous l'a dit. D'accord? Et le prophète l'a recommandé fortement. Et nous, bien plus que cela, il nous a mis en garde sur le fait que la femme délaisse l'allaitement sans raison valable. Et ensuite, il y a beaucoup de bienfaits qui ont été prouvés. D'accord? Et donc ici, nous apportons les paroles des médecins, il n'y a pas de problème pour que les gens comprennent. Mais avant cela, si nous parlons avec des musulmans, parce que ici, il y a la règle qui dit, ici, on se met au niveau des gens. Si on parle avec des non-musulmans, bien sûr, on parle en disant, Allah nous l'a ordonné, le prophète nous l'a ordonné, et directement, on passe à quoi? À qu'est-ce qu'on dit les médecins, pour qu'ils comprennent? D'accord, mais si tu parles avec un musulman, c'est quoi ton devoir ici dans Da'wa? Lui rappeler dans les détails, parce que le kafir, tu vas lui dire, écoute, il y a un hadith rapporté par Ibn Khuzayma, avec une chaîne de transmission authentique. Et ici, il a été authentifié selon les critères de l'imam Muslim, que le prophète, alayhi salatu wassalam, lors d'une nuit. Je veux dire, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? On est d'accord. Voilà que quand tu parles avec des musulmans, c'est ton devoir pour l'éduquer et pour t'éduquer et pour ici t'habituer à te soumettre à ce que Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sans rajouter, mais moi je pense, moi je crois, moi je vois, ouais mais c'est bizarre, ouais mais à notre époque, ouais, non, c'est comme ça. Ensuite, c'est une option, c'est un bonus, pas de problème, cite-les les bienfaits qu'il y a. Et ça, il faut qu'on comprenne bien cette chose-là qui est extrêmement importante. Et si tous les croyants et les croyantes avaient compris ça, fawarabbil Ka'ba, on ne serait pas parmi les gens qui malheureusement, au nom de l'islam, quand ils parlent par exemple devant des médias, wallah, ils parlent avec, oui mais ça c'était à une certaine époque. Ça maintenant, nous on l'adapte comme nous on veut. Ça, il faut prendre une partie de ce verset, plus une autre partie. Ça, pourquoi? C'est des complexés de leur religion. Et ici, ils ont oublié qu'ils sont faibles. Ils ont oublié que le savant c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné que très peu de science. Et que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas tout révélé. Comme nous avons cité hier, par exemple, à titre d'exemple, simplement à travers des lettres. Des lettres. L'être humain qui construit et qui construit, qui innove et qui innove, je ne parle pas des innovations dans la religion, qui innove et qui innove, qui ici chaque année on se sent dépassé tellement que ça va vite, tout ce qui est informatique, etc., Allah subhanahu wa ta'ala nous met au défi. Alif lam mim. Allez, trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Cherche. Avec tous les livres qu'il y a. Avec tous les savants qu'il y a. Avec tous les... Vas-y, cherchez. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, je ne vous ai pas tout révélé. Et il y a des choses, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi je les ai révélées. Il y a des choses que dont vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi je vous ai ordonné de les faire. 2 rak'at as-salat subh, 4 adh-dhuhr. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de le savoir. D'accord? Est-ce que Allah l'a fait comme ça, par hasard, ou alors pour s'amuser, ou pour... Non! Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a révélé, tout ce qu'il a ordonné, il y a une sagesse derrière. D'accord? Mais nous, on doit s'habituer à dire, sami'na wa ata'na. Parce que le fait de faire le contraire, ça peut nous faire sortir de l'islam. C'est pour ça que, parmi nawaqid al-islam, parmi les actes annulatifs et les annulatifs de l'islam, il y a quoi? Le fait, écoute bien, d'avoir du dégoût, sur une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou envers une chose qu'Allah a révélée ou a ordonné de faire ou le prophète alayhi salatu wassalam. Même si tu l'as fait. Même si tu l'as fait. D'accord? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que tu ne dois pas avoir de gêne dans le cœur pour ce que Allah ici a révélé, pour ce que le prophète alayhi salam aura décidé. S'il y a quelconque conflit entre vous, yani tu dois te soumettre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu t'ordonner ou a t'ordonné plutôt. D'accord? Donc nous, on ne peut pas dire, khlas, je fais la prière, je prie, je suis musulman, mais elle est trop dure cette prière, je suis dégoûté, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la prière. Tu sors de l'islam. On est d'accord? Wahada bi ijma', à l'unanimité. Donc ici, tu dois accepter, agréer ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire et ce que Allah azza wa jalla t'a interdit. D'accord? Mais pour cela, il faut bien savoir que tout ce que Allah nous a ordonné et tout ce que Allah nous a interdit, ainsi que son messager alayhi salatu wassalam, c'est un bien pour nous. Quand tu as gravé ça dans ton esprit, wallahi, ça ne sera que des options. Le fait de se dire, mais pourquoi le porc s'est interdit, comme j'ai expliqué hier? Parce que les médecins ont dit qu'il y avait telle partie du porc qui était nocif pour l'être. Ça, c'est du bonus. Nous, on n'a pas besoin de ces explications pour croire. Allah l'a interdit. Allah l'a pas expliqué. Le prophète l'a pas expliqué. Sami'na wa ata'na. D'accord? Wa yakrahu lakum thalatha kama qulna. Yani al-ams, on a cité hier ce hadith. Et on a dit quoi? Qila wa qal. Wa kathrat as-su'al an ma la yanfa'uk. L'excès de questions dans ce qui ne va pas être profitable. Ni concernant les choses d'ici-bas et ni concernant les choses de l'au-delà. On revient. Ça, c'est important ici concernant la croyance du musulman, ce que je suis en train de dire. Ici, on revient. Maintenant, on parle avec un musulman et nous lui disons et nous lui apportons toutes les preuves du Coran et de la Sunna d'abord. Toutes les preuves du Coran et de la Sunna. Parmi le Coran, ici, les preuves du Coran, on a cité les versets coraniques. Parmi la Sunna, il y a un hadith rapporté par Ibn Khuzayma, rahimahullah ta'ala et d'autres. D'accord, avec une chaîne de transmission authentique. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, je vous cite le hadith. Je dormais qu'envers deux hommes qui me prirent par les aisselles et me conduisirent vers une montagne au relief difficile. Ils me dirent au prophète alayhi salatu wassalam, monte, arrivez au sommet. J'entendis des bruits étourdissants. Alors je dis, que sont ces bruits? Et ici, ils lui ont répondu, ce sont les hurlements des habitants de l'enfer. On me reprit et je vis soudain des gens suspendus par leurs tendons d'Achille, leur bouche dégoulinant de sang et fendue à la commissure des lèvres. Je dis, qui sont-ils? On me dit, ce sont ceux qui mangeaient avant la rupture du jeûne. Intentionnellement. Ceux qui mangeaient avant la rupture du jeûne. On me conduisit plus avant, et je vis cette fois des gens au corps. On ne peut plus tuméfier, et on ne peut plus malodorant ailer. Je demandais, qui sont-ils? Et on me répondit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. On repartit, et je vis des femmes que des serpents mordaient au sein. Je le dis, ou plutôt je dis, et celles-là, quelles sont-elles? On me dit alors, écoutez bien, ce sont celles qui privaient leur enfant de leur lait maternel. Et on me fit avancer, je vis des enfants jouer entre deux fleuves. Je demandais qui sont-ils, on me répondit, ce sont des enfants, les enfants des croyants. Enfin, on me fit monter sur une hauteur où je découvris trois hommes en train de boire d'un vin qui leur était propre. J'interrogeais, qui sont-ils, on me répondit, ce sont Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et ils t'attendent. Alayhi salatu wassalam. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a vu des femmes châtiées. D'accord? Quel était leur châtiment? Des serpents, ici, qui mordaient leur sein. Et le prophète alayhi salam a dit, ce sont celles qui privaient leurs enfants de leur lait. C'est pour ça que les gens des sciences, ils ont divergé concernant le hukm, le jugement. Est-ce que c'est obligatoire à la femme d'allaiter ou pas son enfant? La parole prépondérante des gens de science, c'est que c'est obligatoire pour elle d'allaiter ses enfants avec des conditions. Un, si elle en a les capacités, c'est-à-dire elle a le lait, elle a la santé pour, etc. Deux, s'il n'y a personne d'autre pour allaiter ses enfants. Là, c'est obligatoire pour elle d'allaiter son enfant. Et ici, la responsabilité incombe au père, c'est-à-dire de payer le prix pour l'allaitement de l'enfant, pour que l'enfant se nourrisse. Si c'est la mère, c'est à lui de nourrir la mère, et de toute façon, avec ou sans enfant, allaiter ou à allaiter, le père est obligé de s'occuper financièrement de la femme, d'accord, qui, c'est-à-dire son épouse. Mais si ce n'est pas la femme, si c'est une autre, une nourrice qui va allaiter l'enfant, c'est la responsabilité incombe au père, c'est-à-dire de s'occuper financièrement de cette femme-là, d'accord, de la nourrir, car ici, le lait, quelque part, il dépend de ce qu'elle va manger. Donc, c'est au père de s'occuper du prix de l'allaitement. Mais s'il n'y a personne pour allaiter son enfant, la femme, c'est obligatoire pour elle d'allaiter son enfant. Claire, si elle en a les capacités. Alors, il y a deux types de femmes maintenant. Il y a la première femme qui est la femme vertueuse, pieuse, et qui se dit, Allah a dit, je sais qu'il y a un bien, moi, je me soumets à mon Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Donc, si j'ai un enfant, je fais toutes les causes pour allaiter mon enfant, d'accord? Pourquoi? Car Allah et le prophète alayhi salatu wassalam m'ont dit de le faire. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de bienfaits pour mon enfant, et pour moi-même. On va le voir, les preuves de cela. Que c'est un bienfait même pour la mère, et il y a beaucoup de bienfaits même pour la mère. Donc ici, je le fais. Si je n'arrive pas, ça veut dire quoi si je n'arrive pas? La femme pieuse va dire, je n'ai vraiment pas de lait. Donc la ralab. Ou alors vraiment, ici, j'ai atteint un niveau de santé très faible, qui fait que quand j'allaite mon enfant, je m'évanouis. Ici, je perds connaissance, je suis très faible. Des médecins dignes de confiance me disent, écoutez, ça va être nocif pour votre enfant et pour vous de l'allaiter. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge de toute sa capacité. Ah, mais les versets, dans leur contexte. Wad'u shay fi mawdi'i. D'accord? Tu ne les mets pas hors contexte. Là, tu peux utiliser ce verset coranique dans ce contexte. Amma, la femme qui va nous dire, moi je n'allaite pas. Pourquoi? Parce que moi je n'ai pas les capacités. Pourquoi? Bah, j'ai du lait, na'am. Si je l'allaite, je vais pas m'évanouir. J'ai une bonne santé. Walakin ici, voilà, pour mon apparence physique, je préfère éviter. Nous lui disons, ce n'est pas une raison valable religieusement parlée. De dire ici, je fais attention à mon apparence physique. D'accord? Si tu nous dis, il y a un risque pour ta santé, na'am. Tu nous dis, tu n'as pas de lait, na'am. Sinon, ce n'est pas une excuse. D'accord? Et si La personne nous dit, oui, mais maintenant il y a du lait artificiel. Ça n'a rien à voir, le lait artificiel, avec le lait maternel. Ça n'a rien à voir. Premièrement, parce qu'Allah Azza wa Jal, ici, il a donné du lait à la femme quand elle accouche. C'est qu'il y a une raison. D'accord? Deuxièmement, si l'enfant prend tout de suite le lait de la mère. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle sa puissance. Regardez, quand l'enfant, il met sa bouche, d'accord, en contact avec le sein de la mère, la première des choses que fait l'enfant, c'est quoi? C'est il aspire. Et il a une force, ici, impressionnante, l'enfant. Pourtant, c'est un enfant, il vient de naître, ça y est, il est déjà programmé comme ça. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. D'accord? Et troisièmement, même les médecins, ils vont vous dire, ça n'a rien à voir, le lait artificiel avec le lait maternel. Il y a une hikmah, il y a une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas dit d'aller utiliser d'autres étapes, d'accord, avant d'utiliser ces moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis en place. Donc nous te disons ici, même s'il y a du lait artificiel, t'as les capacités, choisis le meilleur. Et ne délaisse jamais ici ce qu'il y a de meilleur pour ce qu'il y a de moins bien. Surtout si cette baraka, cette bénédiction te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une recommandation divine et prophétique. Et le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde les négligentes. D'accord? Je parle des négligentes. Je ne dis pas de toute femme qui n'allait pas dans tous les cas les négligentes. Non. Mais de certaines femmes négligentes. Quand tu lis ce hadith, il fait peur normalement à la femme pieuse, bien sûr. Pas n'importe quelle femme. La femme pieuse qui craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Je ne parle pas de la femme qu'il faut qu'on lui ramène 500 paroles de médecin. Ah, ouais, c'est vrai, subhanallah. Tu sais quoi? Wallah, il y a des femmes comme ça. Malheureusement, je ne généralise pas. Tu vas lui dire, docteur Michel, c'est pas du racisme, hein. Docteur Michel, par exemple, ou docteur Mohamed, peu importe. Il a dit, voilà, il a fait une thèse. D'accord? Il a fait une thèse, il a déduit que, voilà 500 bienfaits de l'allaitement. Wallah, elle va le lire, elle va être étonnée, encore plus peut-être que si elle lisait tout le Coran al-Karim entier. Subhanallah, ajib, t'as vu ce qu'il a dit? Regarde. Et regarde le bienfait. Et regarde. Mais normalement, juste le fait qu'Allah Azza wa Jal, il t'a dit d'allaiter ton enfant 2 ans, ça te suffit. Car ici, ces paroles à lui ne sont pas un miracle. Mais le miracle réside dans quoi? Dans le Coran al-Karim, les paroles d'Allah Azza wa Jal, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que ça se passerait comme ça. Lui, il a simplement ici déduit, il a simplement trouvé, il a simplement reconnu le miracle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas lui qui a mis en place ce miracle. Donc toi, tu es en train de réagir comme si c'était le médecin qui avait apporté ce miracle-là et tous ces bienfaits-là. Mais non, je ne réagis pas comme ça. Mais ici, pourquoi quand tu lis le verset coranique, tu ne réagis pas de la même manière que quand tu entends le médecin te parler? Ajib. On n'a pas besoin de 100 000 explications pour celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal et à son messager. Nous, on se dit, quand Allah révèle une chose, il y a un bienfait. Et ici, en plus, les autres choses ne font ici simplement que renforcer quelque part notre foi, certes, d'accord, parce que ça motive toujours et ça augmente toujours la foi, le fait qu'ils font une découverte que le prophète avait cité il y a 14 siècles, qu'Allah a cité dans le Coran al-Karim. Mais nous disons toujours, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et nous, on y croyait avant qu'on voit ici ces déductions ou ces trouvailles de ces gens, de ces scientifiques, etc., ou de ces médecins. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ah, on revient tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ici, tout ce qui se passe ici-bas a été décidé par qui? Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui l'a décrété. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi. Donc, ici, il faut faire attention à certaines réactions. Claire. Maintenant, on passe concernant l'allaitement ou les bienfaits de l'allaitement apportés par les médecins. Là, il n'y a pas de mal. Parce qu'il y a ici, quelque part, unanimité, d'accord, concernant les médecins. Je dis bien les médecins, pas du cœur, mais du corps. Sur le fait qu'il y a d'énormes bienfaits et il n'y a plus aucune preuve à apporter concernant le fait est-ce que c'est meilleur que le lait artificiel ou pas. La réponse elle est claire. Donc maintenant on peut se permettre de citer, en plus on dit c'est du bonus. Ça, faut bien comprendre. C'est du bonus, le fait de citer tous les bienfaits, et je vais citer quelques bienfaits. Pour le bébé et pour la mère, d'accord? Il y en a le bienfait ou les bienfaits du lait maternel. Naam. Na'amin al-kaba'ir. Ça fait partie des grands péchés. Ici, si la femme, elle le laisse, ici, sans aucune raison, et alors qu'il n'y a personne d'autre pour l'allaiter. D'accord? Non, il y en a qui le donnent maintenant encore. Les savants, ils disent, ça restera toujours meilleur et fortement recommandé que ça soit la mère. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, plutôt on va dire as-salaf, il y a beaucoup de athar qui montrent que quoi? As-salaf, ils ne donnaient pas n'importe quelle nourrice leurs enfants. Et ils disaient que ici ça va avoir un impact, d'accord? Un impact clair ici sur l'enfant. Le fait que ça soit une femme pieuse qui l'allaite. Et ça va avoir un impact négatif sur l'enfant si c'est une femme ici idiote ou alors pervers ou alors égaré. Il disait, c'est pour ça il choisissait vraiment la nourrice, yani la mieux positionnée, la plus pieuse qui allaite leurs enfants. Et les savants disent, si on suit la logique selon le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al umma, le musulman a choisi une femme pieuse. Donc ici le père se doit de donner ici l'allaitement et cette responsabilité à la mère, parce que un, la mère c'est elle qui veut le plus de bien pour son enfant de façon générale, d'accord, et c'est elle qui aura le plus qui sera le plus proche de son enfant lors de l'allaitement, elle fera plus attention qu'une autre femme. Et en plus de cela, normalement la femme qu'on a épousée, d'accord, donc c'est la personne qui nous est le plus proche, donc ça doit être une femme pieuse. Donc c'est mieux, comme disent les savants, c'est fortement recommandé que ça soit la mère qui allaite. Mais si une personne fait allaiter par une nourrice, c'est tout à fait autorisé à l'unanimité des savants. Il n'y a aucun mal pour cela. Clair ? Pour le bébé, les bienfaits. Parmi les bienfaits que j'ai pris, hein, en cherchant un peu à droite et à gauche, ici, je vous cite simplement certains bienfaits qui ont été apportés. Ici, je dis bien en bonus, hein. Le lait maternel, comme les médecins le disent, il a été conçu... Ça, c'est des non-musulmans. Je vous apporte des paroles que de non-musulmans. Il a été fait sur mesure pour le bébé. Ça, c'est les médecins qui le disent. Sur mesure pour le bébé. D'accord? Il contient plus de 50% du matériel génétique pour votre enfant. Deux, sa composition change selon l'âge de votre bébé. Il s'adapte à l'évolution du bébé. Des médecins non-musulmans qui le disent, hein. Le moment de la tétée, de la journée, etc. Il s'adapte avec le bébé. D'accord, même dans la journée, d'après le comportement du bébé, d'après l'évolution du bébé, etc. 3. Le lait maternel est facile à digérer et presque complètement assimilé par le bébé. En effet, il est presque entièrement digéré en une demi-heure et les selles du bébé allaité sont liquides et contiennent très peu de matière solide, donc n'ont pas d'odeur offensive. À l'inverse, les préparations artificielles prennent plus de temps à digérer et leur biodisponibilité est beaucoup plus faible que celle du lait maternel. Quatrièmement, jusqu'à maintenant, on a identifié plus de 200 composantes du lait maternel qui chacune joue un rôle non seulement nutritif, mais aussi sur le développement des systèmes immunitaires et nerveux et le développement global de l'enfant. Cinquièmement, la composition du lait est très stable, même lorsque la mère ne se nourrit pas bien ou est malade. Subhanallah, la composition du lait, elle est très stable, même quand la mère est malade, d'accord? Ou bien ici, elle n'a pas bien mangé, d'accord? La composition, c'est toujours bénéfique, d'accord, pour l'enfant. Le lait maternel contribue de façon importante à la maturation du système digestif du bébé, qui n'est pas complète avant l'âge d'environ 6 mois. Le lait maternel renferme les acides gras essentiels au développement du système nerveux et visuel du bébé. Des études ont démontré un avantage de 8 à 10 points de plus de QI, d'accord ? QI, c'est quoi ? Donc, on parle de coefficient intellectuel chez les bébés allaités par rapport à ceux qui ont été nourris au lait artificiel. Plus intelligent. Et l'avantage est proportionnel à la dose de lait maternel reçue. Ça veut dire les médecins disent plus il a reçu de lait maternel et plus il y a de chances que l'enfant soit plus intelligent. Le lait maternel protège l'enfant de nombreuses maladies durant l'allaitement et tout au long de sa vie. D'abord sous forme d'immunité passive, puis en stimulant le système immunitaire du bébé. En effet, l'incidence de toutes les maladies chroniques et infectieuses étudiées jusqu'à maintenant, par exemple les otites, les gastro-entérites, le diabète, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, l'obésité est moins élevée chez les bébés allaités que chez ceux qui sont nourris au lait artificiel. Les effets protecteurs augmentent avec la durée et l'exclusivité de l'allaitement. Les bébés allaités sont moins à risque d'être victimes de syndrome de la mort subite du nouveau-né. Le lait maternel est toujours disponible, jamais périmé et tout à fait gratuit. Regardez, subhanallah. Les bébés allaités à la demande pleurent moins et sont moins susceptibles de souffrir de troubles digestifs, incluant les coliques. L'allaitement provoque. Et ne dites pas, oui, mais non, c'est bizarre, moi je donne du lait à maternelle, mon fils il a des coliques. On dit de façon générale. L'allaitement ici provoque la sécrétion d'endorphines. Allahu a'lam. Qui crée un sentiment de détente et de bien-être chez la mère et l'enfant. Et en même une façon idéale de soulager la douleur chez le bébé. Et il y a d'autres points. Pour la mère, les bienfaits de l'allaitement pour la mère. Donc on voit ici. Et de façon générale, on sait très bien qu'un bébé qui a allaité, le lait maternel, d'accord, il est moins confronté aux maladies, d'accord, et en général, il est moins malade qu'une personne qui utilise ou alors qui a pris du lait artificiel. Pour la mère, l'allaitement est facile, même s'il nécessite parfois une période d'adaptation et d'apprentissage pour la maman et le bébé. Mais c'est facile, c'est clair. Donc il n'y a pas besoin de se lever, il n'y a pas besoin de prendre le biberon, il n'y a pas besoin de le nettoyer, il n'y a pas besoin de le stériliser, il n'y a pas besoin. Khlas, la mère elle le prend, elle le met sur le sein, c'est fini. Pas de préparation, stérilisation, etc., biberon et formule souvent yani, pendant que le bébé pleure directement. Il a faim, on lui donne directement. L'allaitement sauve du temps et de l'argent, c'est clair. Les laits artificiels et fournitures sont coûteux. Ils disent à peu près une estimation à peu près à 2000 euros par an. Avec ici le lait, avec les fournitures, etc. Par enfant, au Canada, sans compter les milliards de dollars et de frais médicaux et des pertes salariales découlant du taux plus élevé de maladies associées à l'alimentation artificielle, parce que c'est un tout. Plus l'enfant il est malade, plus donc ici ça fait un trou dans la sécurité sociale et plus. Regardez l'argent qui part. Pourtant Allah il te l'a donné gratuit. Et en plus il y a le baraka et toi tu cherches toujours les complications. L'allaitement protège la femme contre les cancers du sein, contre les ovaires et de l'endomètre en période de préménopause, et aussi contre l'ostéoporose. Cette protection croît avec la dureté de l'allaitement. Une femme qui allait est moins à risque de développer un diabète. En effet, chaque année d'allaitement réduit le risque de 15% par rapport au diabète. Les femmes qui allaitent retrouvent leur taille d'avant la grossesse plus rapidement que celles qui n'allaitent pas. L'allaitement maternel exclusif, lorsqu'il est pratiqué sous certaines conditions, est une méthode de planification familiale très efficace. D'accord ? Donc, l'allaitement peut réduire les besoins en insuline de la mère diabétique dans la période post-partum. Donc, il y a d'autres bienfaits. À la kulli hal, on voit ici qu'il y a des bienfaits établis par les médecins, d'accord, non musulmans, qui nous rappellent que le lait maternel, il est incomparable avec le lait artificiel, d'accord. Donc ici, on dit, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans et des musulmanes. Et la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a laissé aucun bienfait, d'accord, pour sa communauté, bien plus que cela pour l'être humain, sans nous l'indiquer. D'accord. Et que quand nous, on s'écarte des bienfaits, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a forcé à s'écarter de ses bienfaits. Mais c'est nous qui avons provoqué le fait qu'Allah a voulu qu'on s'écarte de ses bienfaits. D'accord. Bima kasabat aïdin nas. Avec ce qu'ont provoqué les gens, les mains des gens. Aïdin nas ou bien aïdikum, c'est-à-dire nos mains à tous. Clair. Donc ici nous disons, alhamdulillah, ça c'est parmi les bienfaits. Ici de l'allaitement, et ça c'est parmi les spécificités afouantes de la femme, que la femme a. Donc on a dit à trois reprises, ici c'est cité le bienfait, les mérites de la mère, dans le Coran al-Karim. Premier moment, quand Allah Azza wa Jalla a rappelé la maternité. Deuxième moment, quand elle nous a porté. Et troisième moment, ici quand la mère nous a donné le lait maternel. Et nous disons ça bien sûr de façon générale. Naam. Non, nous allons dire que ici, c'est si elle a les capacités de lui donner pendant 2 ans, il faut qu'elle lui donne. D'accord, il faut qu'elle lui donne. Voilà qu'à partir du moment où l'enfant prend du lait, d'accord, ou une autre matière qui lui suffit pour vivre, donc à ce moment-là, bien sûr, inshallah ta'ala, elle n'est pas considérée par ou concernée par ce hadith-là. Voilà qu'il y a une mise en garde tellement sévère sur le fait de ne pas allaiter son enfant alors qu'on peut l'allaiter, que ici, la moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle doit s'écarter de ces pratiques-là, le fait de dire j'ai donné assez 1 an, je préfère me reposer pendant 1 an, alors qu'elle a les capacités de lui donner pendant 2 ans. Et nous disons aux femmes, délaissez toutes ces paroles qui vous sont données par quelquefois des personnes âgées ou par des copines ou par des, parce qu'il y a souvent cette ambiance, d'accord, chez beaucoup les hommes et beaucoup les femmes. On va dire quelquefois surtout les femmes dans ces sujets-là, d'accord, qui sont propres à aux enfants, aux maladies des enfants, ou alors par exemple à l'allaitement, à la grossesse. On entend des paroles qui font que les femmes ici placent plus leur confiance, d'accord, envers les femmes qui leur rapportent ces mauvaises informations, qu'envers le Coran al-Karim, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sortent des paroles comme « Moi, quand je suis enceinte, j'ai des envies. » Et toute femme a des envies. Et ces envies font que... Je donne la déduction. Hein. On croirait que c'est une thèse qui a été apportée dans un hadith. Et ces envies font que, quand la femme a ses envies pendant qu'elle est enceinte, elle a des hormones qui font que... Ou alors, je vous rajoute, j'imagine, mais ça se rapproche. Ou alors, il y a des choses qui font que la femme est plus nerveuse, donc ça fait que elle se met plus en colère envers son mari, ça fait que elle a le droit de s'énerver plus, ça fait que il faut patienter plus, ça fait que... Tout a sorti ça. Est-ce qu'il y a un hadith ou un verset où le prophète Hassan, il a dit « Patientez plus quand votre femme elle est enceinte parce qu'elle va s'énerver plus. » D'où vous avez sorti ça? Et ça, souvent, vous savez très bien que le psychologique, ça joue énormément. C'est pour ça que quelquefois vous voyez des gens devant vous, ils sautent partout, ils crient, ils changent de voix. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il va dire « Wallah, il a au moins 500 gènes en lui. » Alors que miskin, c'est un problème psychologique ou c'est une crise d'épilepsie. D'accord? Et le fait de lui parler de djinn, de monde, le monde de l'akhira, le monde invisible, les djinns, etc. Quand il a sa crise, c'est une maladie physique qu'il a, ça se mélange, hop, et il sort une voix, ça... C'est que psychologique. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Abadan, hachalillah. Ici, il y a des cas comme ça, concrets, c'est des djinns, shayatin, etc. Lakin, beaucoup de cas sont comme ça, c'est des problèmes psychologiques. Et le psychologique, ça joue grave sur la personne. D'accord? Le fait de voir une personne faire une action quelquefois, alors qu'on n'allait pas la faire peut-être, ou on n'aurait pas eu cette envie de faire cette action si on l'avait pas vue, d'accord? Ça joue énormément sur nous, le fait de voir une personne faire une action. Par exemple, quand je donnais l'exemple concret, quand on voit quelqu'un bâiller devant nous, hop, on a envie de bâiller. D'accord? Le fait de reproduire ce que la personne a fait, ou reproduire ou répéter ce que la personne a dit. Le fait qu'une personne répète beaucoup ça, ou que la femme soit dans un environnement où on parle beaucoup de ça, à force que ça rentre dans la tête, Elle m'a dit ça, Malika m'a dit ça, Samira m'a dit ça, Fatima m'a dit ça, Qaddoura m'a dit ça. Tout le monde dit la même chose, c'est normal. Psychologiquement, ça rentre dans la tête. Dès qu'elle va être enceinte, elle va s'énerver. Psychologique, je m'énerve. Et tout de suite, c'est normal, je suis enceinte. Et après, on va justifier des comportements, ici, qui sont contraires à la moralité de la femme musulmane, au nom de quoi? Les passions. Et les on dit. Qila wa qal. Les on dit. On a dit, j'ai entendu, j'ai ceci, j'ai cela. D'où tu l'as sorti? Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais dit ça. Nous disons, peut-être. Walakin, pour en faire une qa'ida, une règle. D'accord? Et s'excuser. D'accord? Ou plutôt, trouver ça comme excuse, utiliser ça comme excuse. Nous disons aux femmes de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ici, ce n'est pas une raison pour laquelle la femme, elle a le droit d'insulter son mari. Parce que je vous parle par expérience, il y a eu des cas. On a eu des cas où des gens sont arrivés presque au divorce à cause de ça. Et il dit à chaque fois, elle me répète, je suis enceinte, tu dois patienter. Donc je suis enceinte, c'est une règle. Je suis enceinte, je m'énerve, je te crie dessus, je t'insulte, c'est normal. Tu dois patienter. En plus, ça c'est un ordre pour les miskins. Donc il doit patienter. Et où sont les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, toute femme qui met en colère son mari? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a rappelé qu'il y a ces ouris du paradis ici qui ouvrent le ciel et qui disent ici qu'Allah te combatte. Il est pour toi comme un invité, il nous rejoindra bientôt. Où sont tous ces hadiths? Le fait que la femme est en colère son mari ici et que son mari dort alors qu'il est en colère contre sa femme, elle est maudite par les malaïka jusqu'au lendemain. Où sont ici tout ça? Tu les as effacés. Pourquoi? Parce que Fatima a dit, Qaddoura a dit. C'est pas parce qu'Allah a dit, le prophète Aïssam t'a fait un ijtihad et tu es une savante. Non. Donc nous disons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que oui, ici la fatigue fait que la personne est plus énervée. Ça c'est une vérité. Que le mari doit patienter plus avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle endure une chose qu'Allah a citée dans le Coran al-Karim. Et elle a mérité un mérite au-dessus du mari parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé dans le Coran et le prophète dans la Sunna. Oui, mais pas à un stade où la femme, sous le prétexte que elle est enceinte, khalas, elle fait plus rien. Elle est allongée, elle est en convalescence, elle fait que dormir. Et ici, le mari, miskin, il doit arrêter de travailler, il doit arrêter de vivre, il doit arrêter pour rester au chevet de sa femme, de matin, de jour comme de nuit, et en fin de compte, voilà, pendant 9 mois. Après, pendant 2 ans, c'est la même chose, parce qu'elle va lui dire, maintenant, j'allaite, donc c'est fatigant, donc tu dois rester encore. Et après, au bout de 2 ans, elle va retomber enceinte. Après, miskin, ça ikhlas. Voilà, vous avez compris? Donc ici, on dit de craindre Allah. Je suis pas là pour dire certains jouer avec les femmes. C'est la vérité. Ah, moi, si vous croyez que je suis parmi les gens qui vont dire, oui, la femme, c'est une perle tous les jours, de jour comme de nuit, il faut l'honorer, il faut l'honorer, il faut l'honorer. Et le mari doit toujours patienter, et de mettre du côté le hadith du prophète Aïssam rapporté par Muslim. Quand il a dit la majeure partie des gens de l'enfer, c'est les femmes, ils ont dit, pourquoi, ya Rasulallah? Ils sont ingrates, ils ont dit, envers Allah. Il a dit non, envers leur mari. Et le prophète Ali Sosim, il a dit, comme a fait le hadith al-Ladi akhrajahu ibn Majah, authentifié par Sheikh al-Albani, la femme n'aura pas acquitté ses devoirs envers son seigneur, tant qu'elle n'a pas acquitté ses devoirs envers son mari. Je ne veux pas dire que la femme c'est un esclave, le mari a le droit de la taper, de la dénigrer, de l'humilier, il doit l'honorer, mais chacun a sa place. La femme, comme on l'a dit souvent, son principal travail, bien sûr, c'est de satisfaire Allah Azza wa Jal et ensuite de satisfaire son mari. La preuve de cela, Allah dit « وَقَرْنَا فِي بُيُّتِكُمْ » Restez dans vos foyers. Le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il parle de la prière de la femme, alors qu'on sait que le meilleur endroit sur la surface de la terre, c'est quoi? C'est les mosquées. Le prophète, il dit « N'interdisez pas vos femmes de se rendre aux mosquées. » On est d'accord. « Walakin » il dit « Mais leur demeure est meilleure pour elles. » Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit « La prière faite chez la femme, chez elle, est meilleur que la prière faite. » Là, on parle de cette action, la prière. Le meilleur acte d'adoration. Il dit, la prière faite chez elle est meilleure que la prière dans ma mosquée. La mosquée du prophète, les ulama, ils ont dit, c'est-à-dire que c'est meilleur pour elle que 1000 prières. Donc, la preuve que sa vie, en général, c'est quoi? Ses efforts principaux qu'elle doit fournir à la femme, c'est chez elle. Et chez elle, c'est qui y vit? Son mari et ses enfants. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, comme ja'a fi sahih, إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها. La condition. Ici, il dit des choses qui sont primordiales pour la femme. Si elle fait son mois du Ramadan, elle fait ses 5 prières, elle obéit à son mari, elle préserve sa chasteté, elle obéit à son mari, elle rentre au paradis par n'importe quelle porte du paradis. D'accord? Et je répète, ça ne veut pas dire que l'homme il vient, il rentre et dit, ah, t'as entendu? Maintenant tu restes à la maison et tu dois m'obéir et le mari c'est un gros feignant, il dort jusqu'à midi, il arrive même pas à réparer une petite chose cassée dans la maison, il arrive même pas à aller faire les papiers administratifs, il travaille jamais, il respecte pas sa femme, il humilie sa femme, il la nourrit pas comme il se doit. Non, là à ce moment-là nous lui disons ici, revois ici ton comportement toi avant tout avant de parler aux autres. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, vous qui croyez qui dites des choses que vous ne faites pas. Le prophète Hassan il a dit khayrukum li nisa'ihim. Et le prophète, il a dit dans un hadith authentique, les meilleurs d'entre vous, c'est les meilleurs avec leurs femmes. Dans un hadith authentique, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous, c'est les meilleurs avec leur famille. Et moi, je suis le meilleur avec ma famille. Donc ici, il y a un juste milieu. Mais la femme, ici, doit savoir que parmi ses œuvres, d'accord, qu'elle doit, ou parmi ses actions principales, c'est quoi? C'est le bon comportement envers le mari. Et elle doit faire tout pour satisfaire son mari, tant qu'il n'y a pas une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, فَوَرَبِّ الْكَعْبَ, ça c'est la femme vertueuse, ça c'est la femme pieuse, et ça c'est la femme بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ qui est sur le chemin du paradis. D'accord? Contrairement à la femme, peut-être que tu vas voir, elle a beaucoup d'ilm, elle fait da'wa, elle fait ceci, elle fait cela, mais quand elle rentre avec son mari elle le rend fou. Qu'est-ce que t'as fait? Tu as fait quoi? Ça c'est parmi les gens qui veulent faire du bien, ils pensent faire le bien, alors qu'ils font le mal. Le principal, tu ne l'as pas fait. Délaisse ta da'wa envers les gens. Délaisse tes efforts dehors et fais de chez toi un jardin parmi les jardins de repos pour ton mari. T'as tout gagné. Wallahi, t'es meilleur que la première. Fawarab bil Kaaba, t'es meilleur que la première. Et je dis ça avec les preuves du Coran et de la Sunna bi fami salaf al umma. Et inshaAllah ta'ala, bi hawlillahi azza wa jal, ces prochains jours, inshaAllah, je ferai une vidéo avec ma mère. D'accord? Bi idnillahi azza wa jal, je ferai une vidéo avec ma mère. Ici, je dis ma mère, j'aurais pu faire avec une autre mère, mais c'est parce que c'est ma mère et j'ai accessibilité avec ma mère. Et ici, bihaoulillah azza wa jal, je ferai en deux parties cette vidéo. La première partie, inshallah ta'ala, j'utiliserai les preuves du Coran et de la Sunna. Très brièvement, hein, même pas 5 minutes. Qui rappellent, et on parlera du comportement de l'homme aussi. Mais je parlerai du comportement de la femme avec des conseils à la femme pour qu'elle puisse acquérir, inshallah ta'ala, la sagesse et la douceur demandée par l'islam, par Allah et son messager, alayhi salatu wa salam, qui a été délaissé par pas mal de femmes malheureusement, et qui nos mères la mettaient beaucoup en pratique, alors qu'ils n'avaient pas le niveau de science de certaines sœurs au jour d'aujourd'hui. Ça sera le but. Première partie, 5 minutes, au niveau shar'i, au niveau de la science islamique, qu'est-ce qu'a dit Allah et le prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxième partie, des conseils, incha'Allah ta'ala, portés par ma mère, d'accord, qui a de l'expérience, et on a besoin de la science, et on a besoin de l'expérience. qui a vécu pendant, Masha'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est encore marié avec mon père, Masha'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ça fait plus de 40 ans. Donc c'est des gens qui ont de l'expérience. Et avec cela, on verra comment dans le concret, des femmes, pourtant sans avoir le niveau de science, d'accord, que beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, mais c'était par tradition, par bonne éducation, qu'ils avaient ce niveau qui faisait que, en 40 ans, 45 ans, 50 ans de mariage, jamais ils n'ont tenu tête une seule fois au mari. Regardez les comportements. Et ici, je me rappelle d'une femme, d'accord, comme m'a rapporté ici des gens de ma famille, ala kulli hal, sans rentrer dans les détails, pour pas ouvrir certaines portes, ici, des gens de ma famille, une femme, ici, qui était un peu éloignée de ma famille, qui était, quand on me racontait sa vie, au service de son mari. Alors que son mari, souvent, il l'a maltraité. Mais tout le temps, qu'est-ce qu'elle faisait quand il l'a maltraité? Et ça, c'était des gens qui ont vécu avec cette femme-là. Tout le temps, elle courait, elle prenait sa main, elle restait embrasser sa main jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Alors que c'était lui qui l'a maltraité. Comment elle est décédée? Elle est décédée pendant la prière. Quand elle est décédée, la dernière action qu'elle a fait, c'était quoi? Elle priait, ils ont entendu un cri, elle était en train de prier, elle est morte. Regardez, subhanallah, من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Regardez la bonne action ici avec laquelle elle est morte, la prière, l'acte d'adoration le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et qu'est-ce qu'elle faisait toute sa vie? Le comportement envers son mari. La preuve ici de façon concrète qui on voit ici encore une fois l'importance du bon comportement ici envers le mari et vice-versa aussi. D'accord? Voilà qu'in ici nous disons bi'idnillah azza wa jalla, je le ferai les prochains jours inshallah ta'ala, on fera une petite vidéo et ça sera bénéfique pour tous et toutes. Voilà qu'in ici on peut pas continuer plus loin et c'était un sujet très important que je voulais entamer. Voilà qu'in khair inshallah ta'ala, la semaine prochaine on parlera jusqu'où va le respect envers les parents. Parce que certains disent oui, je dois les respecter jusqu'à quel stade et quel respect je dois adopter quand ils me poussent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou ils m'insultent ou ils sont contre la religion. Comment je dois me comporter? On va le voir avec des preuves du Coran et de la Sunna et comment réagissent les compagnons avec des athar et des ahadith authentiques inshallah ta'ala. Et on va voir asbab al-nuzul, les causes de la descente de certains versets coraniques après que les compagnons ont réagi avec un comportement exemplaire avec leurs parents qui leur yani, poussé à désobéir à Allah bien plus que cela, à tomber dans la mécréance, comme ce grand compagnon illustre, ici Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, wallahu ta'ala a'lamu ahkam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.